Bonjour à tous, ici Claude Blackbelair. Aujourd'hui, je vais vous présenter Marc Loubière, qui est potier céramiste à Quiberon, dans le Morbihan. Bonjour Marc. Bonjour Claude, bonjour à tous. Veux-tu bien te présenter ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Marc Loubière. Et comme le disait Claude, je suis artisan. Moi, je mets céramiste potier. Claude a dit potier céramiste, c'est pareil. Et je fais dans cette activité, je donne à la fois des cours de modelage et de tour, et je fais des créations que je vends. Et comme le disait Claude, je suis installé sur Quiberon, la presqu'île de Quiberon et la ville de Quiberon, dans le Morbihan. Et l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner envie de découvrir un petit peu plus l'univers de la Terre. Et pourquoi pas de venir pousser jusqu'à la porte de l'atelier et voir un peu à quoi ça ressemble pour de vrai et me rencontrer. Ça me ferait très plaisir. Peux-tu nous parler de ton activité de céramiste potier ? Avec plaisir. Alors, l'activité de céramiste potier, en fait, je vais commencer par le fait que je suis artisan. C'est important, donc ça veut dire que je suis enregistré auprès de la Chambre des métiers. Et spécifiquement, les gens qui ont passé un certain nombre de CAP qui sont spécifiques, peuvent s'appeler artisan d'art. Et le tournage en céramique, ce que je fais, ça me donne cette possibilité-là, au même titre, par exemple, qu'un souffleur de verre, qui est aussi un artisan d'art. Et donc, céramiste potier, pourquoi je mets ces deux qualificatifs pour décrire mon activité ? Parce que historiquement, la poterie était utilisée à des fins principalement utilitaires, alimentaires, pour protéger les aliments et permettre de boire et de consommer des choses dans des assiettes. Et tout le monde connaît le mot de potier. Le mot de céramiste, c'est un petit peu moins courant que l'usage. Et en fait, céramiste, c'est celui qui fabrique de la céramique. Et la céramique, c'est une terre qui a été cuite. Et une fois que la terre est cuite, on appelle ça une céramique. Donc, en couvrant à la fois le mot potier et le mot céramiste, je couvre le spectre de différentes appellations et tout le monde comprend quelle est mon activité. Et la terre que j'utilise à l'atelier, c'est du grès. Vous avez peut-être déjà entendu parler de grès céram, dont on parle souvent quand on parle de carrelage. C'est la même chose, sauf que le carrelage, il a été cuit. Et moi, je travaille la terre qui est encore molle, que je vais faire sécher et que je vais cuire également. Et ça deviendra à ce moment-là une céramique. Et donc, il y a trois grandes familles de terre qu'on peut travailler en céramique ou en poterie. Il y a la faïence, le grès ou la porcelaine. Et moi, je travaille le grès qui correspond à un usage un petit peu plus solide que la faïence. C'est moins compliqué à travailler que la porcelaine. Donc, pour les cours, c'est assez tolérant, le grès, et c'est mieux pour les cours. Une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le grès qu'on utilise, et ça, les gens qui n'ont jamais été confrontés à ça ne réalisent pas, c'est que entre le moment où on va faire une pièce avec une terre qui est molle, et le moment où la terre va sécher puis être cuite, et elle sera d'ailleurs cuite deux fois, eh bien on va perdre 15% de retrait de matière. Donc quelque chose qui fait 10 cm accru n'en fera plus que 8,5 une fois cuit. Donc tout ça, ça amène à faire un petit peu attention à tout ça. Et j'ai évoqué la cuisson. L'activité, pour moi, implique donc une cuisson en four électrique. Et ce sont des fours électriques qui montent, dans mon cas, à 1300 degrés. Donc, on est loin du four de cuisine. On est vraiment sur de la température qui commence à être significative. Alors, une fois qu'on a couvert ça, je vais avoir plusieurs activités dans mon atelier. La première activité, ça va être de faire de la création. Et là, c'est le plaisir un petit peu de faire des choses de ses mains. On a une idée en tête, on part d'une matière brute et on réalise toutes les étapes qui amènent au produit fini. Et ça peut être fait à travers du modelage, du travail autour. On va couvrir l'émaillage pour apporter un brillant superficiel et coloré à la pièce. Il y a toute la partie cuisson qui est importante et aussi une activité d'exposition-vente de mes propres créations. Donc ça, c'est une moitié de mon activité. L'autre moitié, je donne des cours loisirs qui s'adressent vraiment à toute tranche d'âge. Et l'objectif principal, c'est de se faire plaisir, de lâcher prise, de maîtriser un geste qu'on va acquérir progressivement, d'avoir un contact primaire, je dirais, avec la matière, la terre. C'est vraiment une matière très intéressante à travailler. Et de donner, comme disait un certain président, le temps au temps. La poterie, c'est quelque chose qui est lent. La céramique, il va falloir qu'on laisse la terre sécher. Une pièce que je réalise aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas pouvoir la cuire immédiatement. Je vais encore moins pouvoir l'emmener chez moi tout de suite. Il va falloir qu'elle sèche en douceur, puis qu'elle soit cuite, avant qu'éventuellement je puisse la décorer et la recuire à nouveau. Donc ça demande du temps et ça apprend à vivre dans un monde en léger décalage avec le monde un peu fou dans lequel on a tendance à vivre tous les jours, mais ça fait du bien. Et c'est également une activité dans laquelle on apprend que l'erreur est nécessaire pour progresser et que on parlera tout à l'heure de recyclage de la terre. Donc, il n'y a pas de souci à faire des erreurs. La terre n'est pas perdue, elle sera recyclée tant qu'elle n'a pas été cuite. Et il faut en passer par un certain nombre de petites erreurs pour s'améliorer et progresser. Voilà donc la description un petit peu des cours. Je ne sais pas si on descendra un petit peu plus en profondeur dans un deuxième temps. Claude, je peux vous parler spécifiquement de l'offre des cours et de l'approche. Oui, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tu te positionnes effectivement dans cette approche. Quel âge doit-on avoir si on veut s'intéresser et faire un stage de poterie? Ça commence à quel âge? Les plus jeunes de mes élèves ont eu 4-5 ans, et là, c'est du modelage. Le tour, en général, ça s'adresse plutôt à des enfants à partir de 10-12 ans, mais j'ai déjà eu des cas d'enfants de 6-7 ans qui étaient très partants, très motivés, et c'est ça qui compte et qui ont fait un super travail autour. Mais il y a une histoire de concentration et de capacité à se faire abstraction du monde extérieur et de rester un peu statique pendant un certain temps. Et pour les plus jeunes, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai une offre de cours de 1h30 en durée qui s'adresse principalement à des familles avec des jeunes enfants pour que justement ce ne soit pas trop long. Le cours de durée normale dans lequel on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant, c'est 2h30. Et pour les plus jeunes, c'est un petit peu long. Par rapport aux enfants, j'en profite pour dire que les enfants sont les bienvenus. Ça marche très, très bien, cette activité. Sauf que pour éviter de me retrouver en assistant maternel, je demande pour toutes les jeunes et les enfants de moins de 16 ans que pendant le cours, il y ait un adulte référent qui reste sur place pendant la durée du cours. Cet adulte n'a pas besoin de faire un cours lui-même, il ou elle peut bien sûr, et ça me fait toujours plaisir, mais doit être présent sur place. Voilà. Et j'ai eu des personnes à l'autre bout de la chaîne, on évoquait les enfants, il y a aussi les seniors, j'ai eu des personnes, par délicatesse, je n'ai pas demandé à cette dame son âge, mais connaissant l'âge de mes parents, elle était largement au-dessus des 80, et elle tournait très très sans aucun problème. Donc, c'est de 7 à 79 ans, quoi. Largement, oui, absolument. Oh, voilà une belle comme plage. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées de tarifs concernant ces stages? Oui, alors, Le tarif le plus cher, on va commencer par ça, c'est le tarif de cours particulier. Donc on est sur une base pour un cours de 2h30 par personne qui comprend la première cuisson, donc de 45 euros. Et si on prend, il y a des formules genre un abonnement, ou si on en prend par, on prend les cours par 4, par 8, par 12, on a un tarif qui est dégressif. Il y a également la possibilité d'avoir des cours en petits groupes, 4-5 personnes qui font modelage et tour. On fait un petit peu les deux activités. Et là, c'est sur un tarif de 25 euros par personne pour 2h30 avec la première cuisson incluse. Si on fait que du modelage, c'est 20 euros. Et pour les formules de cours de 1h30 pour les plus jeunes, les familles avec des plus jeunes, on est sur une base là où il n'y a pas de cuisson parce que souvent les gens n'ont pas le temps d'attendre, reste peu de temps sur Quiberon que ça ait séché et que ça ait été cuit. Donc on prend en photo les pièces réalisées, mais elles ne sont pas cuites. Et là, on est sur une base de 12 euros. Donc ça reste un tarif qui est conséquent, j'en suis conscient. Mais derrière, il faut que je puisse me rémunérer le temps que j'y passe, l'électricité. Des cuissons quand il y en a, la terre également. Donc, j'essaie de faire au mieux, mais il faut quand même que je puisse avoir une activité qui dure dans le temps, et pour ça, il faut que je puisse me rémunérer un petit peu. Eh bien, voilà de bonnes informations. Est-ce que, comment je fais pour te joindre? Alors, le plus simple, c'est de me joindre par téléphone. Et, tu peux nous donner ton numéro ? Je peux vous donner le numéro, absolument. C'est le 07 67 07 10 11. Donc 07 67 07 10 11. J'ai également une page Facebook qui reprend mon nom, Marc Loubière, avec à la fin mon activité céramiste potier. Donc c'est la page Marc Loubière céramiste potier sur Facebook. Vous allez pouvoir également me retrouver sur une entrée Internet, sur une page d'un site Internet qui malheureusement n'est pas actuellement à jour. Donc là, vous allez le trouver, mais il n'y a pas grande information. Et vraiment, le plus simple, c'est de m'appeler. Et si je ne réponds pas tout de suite, laissez-moi un message. Je vous rappellerai dans la journée, en soirée. Quelquefois, quand je suis en cours, je ne réponds pas par... respect pour mes élèves, et quand je travaille moi-même et que j'ai les mains dans la terre, vous comprendrez bien que c'est pas toujours facile de décrocher le téléphone. Donc quelquefois je laisse le message s'enregistrer, je vous rappelle après. Très bien, Marc. Eh bien, voilà un joli message, voilà la possibilité d'une jolie transmission d'expérience où on va apprendre à concentrer toute son énergie au bout des doigts, hein, à travers des gestes précis, et je suis intimement persuadé que tous ceux qui sont intéressés par cette activité, bon ben, s'ils sont de passage à Quiberon, bon ben, vont te contacter et puis avoir une première expérience avec le grès, et ça, c'est quelque chose de fantastique. Marc, je te remercie, et peut-être à un prochain message. Quand tu veux. Absolument. Je vais juste me permettre de rajouter une information qui est que tous les samedis, sauf exception, et je préviens à l'avance, tous les samedis de 3h à 4h l'après-midi, je fais une démonstration gratuite à l'atelier de tournage. Donc, ça permet aux personnes de découvrir l'atelier, de voir un petit peu la tête que j'ai pour de vrai et de voir... ce que c'est que de faire un vase autour. C'est une expérience qui est assez intéressante, qui plaît en général aux petits et aux grands, et c'est entièrement gratuit. Et ben, je voulais te remercier, Claude, de m'avoir donné l'opportunité de parler de mon activité, remercier toutes les personnes qui nous écoutent, et vous ne pouvez pas me faire plus plaisir qu'en m'appelant et en venant me voir. Voilà. Bonne journée à vous. Une dernière petite précision. Où est-il situé ton atelier à Quiberon ? Alors, c'est une très bonne question. L'atelier est situé très légèrement en dehors du centre-ville. Il est sur une zone d'activité qui, à Quiberon, s'appelle Plaine Ouest, à distance à pied de centres de visite qui sont assez courus, parce qu'on peut visiter l'usine de la conserverie La Belle Illoise qui fait des conserves de poissons. On peut visiter à côté les niniches qui sont les confiseries traditionnelles de Quiberon. Il y a aussi du fumage de poissons, il y a des confitures, il y a tout un tas de trucs qui se visitent à proximité de mon atelier. Et j'ai 3 places de parking, un accès PMR, tout est de plein pied. Donc, il faut venir pour voir tout ça. Eh bien, on ne va pas y manquer. Donc, rendez-vous à partir de maintenant et jusqu'à tout l'été pour tous ceux qui sont de passage dans notre ville de Quiberon. Salut Marc, au revoir. Merci Claude, merci à tous. À bientôt, au revoir.